minuit, c'est Chao et Junes. Il y a du monde, il y a du monde. Si vous voulez, on est là, on est rue d'Arennes. Venez nous voir, hein. On est là, on va pas venez bouger. Venez en balle. Allez, bonne soirée à on tous. On vous attend, big up l'ami. À la prochaine. Yes. Et n'oubliez pas, c'est comment les réseaux Dylan les réseaux Dylan EDRF sur Instagram. Yes. Sur Snapchat, c'est pareil. Partout, ajoutez, c'est pareil. Ajoutez fort, les gars. Vous aurez même plus besoin de nous chercher, les refs. On arrive fort. Yes. Bonne soirée à tous sur Radio Sud. À bientôt. EDRF, à très bientôt. Big up. Tous ceux qui sont venus, gros big up, les gars. Big up. J'ai pris le microphone, ensuite une voix, j'ai pris le maquis. Je me sentais un peu compressé dans le paquet de paquis. Donc j'ai pris le treikaki comme les tamous, les paquis. Et j'ai vu la vie des hommes, oui la vie des hommes est acquis. Pause, j'ai fait l'armée dans des chars à voile. Y'avait bombes et des femmes à poil. Faute, tout pas faute, faux, garder tête haute, faux. Vivre avant la dame à la faux. Exa. J'arrive, je fous la merde comme en concert. Et je me jette dans la foule comme un rocker. Morceau lourd, pas comme Ramzy. Fous la merde, vas-y, gros. C'est les Hamé, c'est Hami. Les murs transpirent, enlève ton t-shirt, Mani. On te met à poil comme au 421. Au casino, au Miami. Ennemi, l'ami. Ghetto comme un Harlem. Fais qu'on se ramène. En prison, renfoue les matons. Si t'es en auto, accompagne ce son à coups de klaxon. Et je repars de keuf en guise de spot. Des scènes à immortaliser sur caméscope. À tous les étages de ta tour, un son à te faire griller les feux. Sécher les cours comme Miss France 2001. Et lire bonhomme, hors limite, à te faire rentrer à l'eau. Roule-toi un gros fumigène, c'est sec. Desserre les fesses, même si tu squattes les bancs. Jusqu'en avoir la marque sur les fesses. Même les fous sont de mèche. Ou la merde. Regarde la pêche. Des princes avec mon staff. Comme Guiraud, on est tous des pinces. Mouvement de foule de fou. Ouais, tout à fait. Comme dirait Thierry Roulou et Jean-Michel Claqué. 113 l'équipe. T'entends pas les murs qui tremblent. C'est comme le 15 de France dans ta chambre. C'est michto. Recuit. 500 à boule à zéro. Y'a plus de cheveux qui frisent. Comme Rocheteau. Fous la merde comme au plus. Ou comme aux heures de pointe dans le bus. Ou comme au studio quand on bosse. Bouge la tête. Jusqu'au torticolis. Même grippé malade, on te sort du lit. Rentre dans le tas, lève le dos en l'air, fais le grand écart comme Travolta. Tu vois flou et que tu rentres dessous, lève la cuvette et comme Tiger Woods, vise bien le trou. 9-4 FM, de la pifon qu'à la soule. Et de suite ton salon se transforme en saloon. Yeah. Mga, fou la merde, fou la merde, fou la merde, fou la merde. Radio Sud. Radio Sud. 5, 4, 3. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Hey, 9-3 Empire. Hey, si tu savais pas, maintenant tu sais. Affranchis. Longue vie à l'Empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes. Depuis l'époque des pompes, tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. J'arrive des terres sur le beat, pas de limite. Du style d'esquisse, pas de gimmick. 9-3 dans l'ADN du suprême et t'oses encore demander qui c'est qui nique. On a juste planté les graines, gros. Ça pousse, pousse, pousse. Ça fourmille de partout, ça sent pas des parcours. Ça les pousse à nous écouter. C'est la rue, n'y cherche pas d'éthique. C'est la merde dans ton quartier, mais t'appelles pas les flics. De moins en moins de solo, de plus en plus d'équipes. Nous on vise pas le sol, on envoie plein les titres depuis le temps. Qu'on arrache tous ces tiltants. Je vous avoue que pour nous c'est trippant. Garder la couronne chez nous comme challenge, c'est vrai. Ça reste excitant. Sensan les connexions. Non, t'étais peut-être pas prêt. Maintenant même le maire connaît le son. Je crois qu'il peut le même dabé. 9-3 c'est l'amour, la paix. 9-3 c'est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à part. Ça fabrique des Mbappé. L'on vit à l'Empire éternel. On va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes. Depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Hey, hey. Boy, chez nous, c'est pas comme les autres. Hey, hey. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Hey, hey. Boy, chez nous, c'est pas on comme les autres. On arrache ta coupe, on la fête à pas. ramener à la TS, on n'arrêtera pas. Je vais te faire une émeute pour une belle capta. Et je me souviendrai de rien comme ma dernière rapta. C'est dans le petit filet qu'on te l'a remplacé. Je roule comme les grandes athées avec les petites massas. Plus personne à niveau, je vais m'auto-remplacer. J'ai du 9, Ramika, ça c'est pas tout cassa. Pas de lendemain, je suis bloqué dans les nuits passées. Un mode robot comme l'avenir des petits tracés. Des mutineries à boire, des promotions à mort. Des ventes de flash, des fusillades à prix cassé. C'est la rue, c'est la rue, gros, c'est pas Netflix. Ferme ta bouche, tenir le regard quand t'es fixe. T'es chaud d'aller au charbon, t'explique en boucle. Fianné son long vie et suprême Nikomo. Fianso, l'envie à l'empire éternel, on va leur montrer. Que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes. Depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Hey, hey, le 9 et le 3 sur le drapeau. Hey, hey, boy chez nous c'est pas comme les autres. Hey, hey, le 9 et le 3 sur le drapeau. Hey, moi chez nous c'est pas comme les autres. C'est Fianzo, Fianzo, Fianzo et le Nico Mouk. Association Casos, Casos, ouais c'est qui tout double. Ouais c'est qui tout double. Sur le drapeau, hey, hey. Boy chez nous c'est pas comme les autres, hey, hey. Le 9 et le 3 sur le drapeau, hey, hey. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Radio Sud Besançon, Besançon 101.8 FM 101.8 FM. We turning up, yeah, we turning it up. Radio Sud. Tox, Katkus gang. Gang, gang. Ma chérie Coco, Coco et Coco. Ma chérie Coco, Coco et Coco. Coco, Coco, Coco. Complètement folle, ma chérie, c'est ça que j'aime. Taille de Polyakov pour noyer tes problèmes. Radio Sud. Rica, tú me tienes como un loco, me la paso. paso soñando contigo. Yo a ti te doy mi vida por un beso. Dime qué vas a hacer. Me enamoré conmigo. De ti. Me enamoré de ti. Me enamoré, bebé. Por un beso de tu boca soy feliz. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Por un beso de tu boca soy feliz. Señorita, mamacita, no quiero verla usted jamás aquí solita. Vente conmigo y disfrutemos del momento. Si estoy contigo, pero te vi llegar y rendido caí. Pero cuando te vi bailando, bailando, por ti me enloquecí. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Radio Sud, Besançon, Besançon, 101.8 FM, 101.8 FM. Radio Sud. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. Sud. Oh Maria, j'ai besoin de toi mais je suis pas là, j'ai besoin de Rocco Mario. Je lui explique que la zig m'a rendu célèbre, on fera pas le tour de Paris. Elle me dit t'es bon à rien, ça tiendra pas, est-ce que tu veux parier? Nous ferons la vie depuis tant pis, je me consolerai avec mon autre Maria. C'est là je la fume mais je rêve toujours autant d'allumer loin de Guerilla. Tu sais que je sors du ghetto et je côtoie cette paria. Tu sais que je suis un putain de pirate. Et tu sais que sur le bateau c'est à plein qu'on navigue. Oh tu sais que j'y vague. Oh tu sais que j'y vague. Je suis un pirate mais pour autant je me calmerai que pour toi. Après avoir rempli le cendrier, je crois que le combat est bien réel et tu redoubles le jour où on s'en ira. T'inquiète moi si j'y pense, j'ai ta Maria là je me sens vriller. Est-ce que dans le bolide tout noir on s'ennuiera? Tu sais que je suis un putain de pirate. Et tu sais que sur le bateau c'est à plein qu'on navigue. Oh tu sais que j'y vague. Oh tu sais que j'y vague. Je suis un pirate mais pour autant je me calmerai que pour toi. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. J'ai besoin de toi dans ma vie. Y'a qu'avec toi que je navigue. J'ai besoin de toi dans ma vie.

Sombre universel orageux, j'ai dit sombre universel orageux. J'souris devant tu t'es logieux, qui me prédisent un avenir glorieux. J'peux toujours cacher le soleil, grâce à mes sombres lyrics. Dans la game j'n'ai pas de collègues, vais leur faire des films X. Grosse chienne veut vie de rêve, sans d'ennemis sur le glaive. Solo je fais des petites prières, donc demain ne sera pas pire qu'hier. Hey, que me veulent-ils, que me veulent-ils, moi j'veux du blé. Que me veulent-ils, que me veulent-ils, veulent me duper. Moi je crois en Dieu et pas en l'horoscope. J'suis pas très serein, j'ai des cadavres dans le coffre. Ils attendent les lieux depuis le Big Bang. À part moi y'a personne d'autre, il me semble. J'perds pas mes couilles devant elle, gang. Fuck les rageux, j'prends mes distances. Je vois qu'à des rageux dans le hood, des gros restent cool. J'ai vécu sombre pour de vrai, nouveau rap que je crée. Viens Villiers voir le ghetto de près, j'pense à la vie d'après. Soin, soin, wesh, rageux. Tu parles beaucoup mais fais pas mieux. Putain d'enfant sauvage, né dans des rats marécageux. Sombre universel orageux, j'ai dit sombre universel orageux. J'souris devant tu t'es logieux, qui me prédisent un avenir glorieux. Wesh, rageux, tu parles beaucoup mais fais pas mieux. Putain d'enfant sauvage, né dans des rats marécageux. Sombre universel orageux, j'ai dit sombre universel orageux. J'souris devant tu t'es logieux, qui me prédisent un avenir glorieux. Pas sur le curriculum, j'préfère les animaux que l'homme. Salope, même si t'es méga bonne, j'vais pas croquer dans la pomme. Y'a pas de clash, on te nique ta mère. Tu vaux même pas une paire à bulletaire. J'reste loyal, même pas d'adultère. J'insère mes punch dans la chatte à Voltaire. Canada goose, tes degrés goose. Quelques zouz pour me chauffer. Ça sent la loose, jamais le blues. Il faut du flouze pour me sauver. Paye ou crève, fais ou rêve. Ou bien fini dans la scène. Et gros, ma pute fait ce qu'elle veut. C'est pas ma chatte, c'est la sienne. Le kid a bien dit grand. J'connais plein de brigands. Toujours égal citron. Le monde n'est pas si grand. Navire n'est plus en mer, et mes chaînes sont plus en fer. Je rêve de billets verts en l'air, quand je me dirige vers la guerre. Wesh, rageux, tu parles beaucoup mais fais pas mieux. Putain d'enfant sauvage, né dans terrain marécageux. Sombre universel orageux, j'ai dit sombre universel orageux. Je souris devant tu t'élogieux, qui me prédisent un avenir glorieux. Wesh, rageux, tu parles beaucoup mais fais pas mieux. Putain d'enfant sauvage, né dans terrain marécageux. Sombre universel orageux, j'ai dit sombre universel orageux. J'souris devant tu t'es logieux, qui me prédisent un avenir glorieux. Radio Sud. Radio Sud. I like stunning, I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang, gang, gang, gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome. What's his name? Chambean pero no jalan. Hola. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang, gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido amar, dile Charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond District in the chat. Bad Bunny, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Certified, you know I'm gang, gang, gang, gang. Drop the top and blow the brand. Woo. Oh, he's so handsome, what's his name? Celia Cruz, tengo el azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tele y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa pa pa para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara, no salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. Goza, el goza. Que mira sufre y el que toca goza. Goza, goza, goza. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah. Radio Sud. Radio Sud. Besançon. Besançon. 101.8 FM. C'est trop tard, je suis plus Pambella, Pambella, bander un fleuve. Je vais pas mentir, j'ai le seum seum. Faut calmer ton cœur, pardon. Pas les mots qui blessent, c'est trop. Vas-y doucement, pardon. Tout ce temps, je recoulais. Ah non, non, faut pas phaser. Ah non, non, faut pas bomber. Son dernier mot, attends s'il te plaît, je vais t'expliquer, je me suis fait péter, elle m'a dit entre nous c'est mort, et si je pars retrouver pas la folle avec mes potes, je te laisserai toutes mes affaires et tous les soirs fais bien les comptes, et si mes ennemis viennent un jour sonner à ta porte, tu regardes sous la vapeur, y'a mon fusil derrière la porte, on contrôle le cartel, chaque jour y'a l'oseille qui m'appelle, la confiance ça se gagne, fais-moi montrer que dans le bas, projet parti en sucette, c'est la merde. Comment va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment va faire? Je dois régler tout ça, mais comment va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa. T'as confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa. J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa. T'as confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa. Radio Sud. Radio Sud. So you know, a lot of people trying to be like me, but you know, you just can't be like me. Ooh, Lil Pump. TB on the beat. Ooh, kill. Everybody wanna be like me. Ooh, kill. Everybody wanna be like me. Everybody wanna be like me. Bust down big chains and dress fancy. Ooh, everybody wanna be like me. Spent 2K last week on the white tee. Ooh, everybody wanna be like me. Drop 10K on my Gucci bed sheets. Ooh, kill. Everybody wanna be like me. Dressing love to take drugs. Yeah. Why do this, rich, you do whatever you want, huh? Yes, I'm hella ignorant, I don't give a fuck. And everybody wanna be like, yay, yeah. Everybody wanna go and smash Kim K. Ooh, yeah. You can talk shit about me every day, but I'm still rich at the end of the day. I take drugs like a vitamin C. I'm a millionaire, but I don't know how to read. Nope, I'm a role model that these kids wanna be. Ooh. I just smash a pregnant bitch that's overseas. Yeah. Walk around with my side bitch on a leash. Leash. I was 13 when I started sipping lean. Ooh. So hard, I feel like I'm KD. Yeah. Wear two bush styles even when I sleep. Yeah. Everybody wanna be like me. Ooh. Yeah. Everybody wanna be like me. Everybody wanna be like me. Ooh. Yeah. Everybody wanna be like me. Everybody wanna be like me. Ooh. Yeah. Everybody wanna be like me. Everybody wanna be like me. Bust down big chains and dress fancy. Ooh. I'm me, so who you? You're not me. Everybody wanna be like Tune, grow up to be like Tune, throw up to be like Tune. No one can be like Tune. No, I can see Tycoon, and if the shoe fit, wear it. I can't if these not new, little nigga, please. Y'all my mini me's, but the kid is not my son. Shout out Billie Jean. You following my lead? My chopper isn't clean, and Lil Pumpy got the pump. I goddamn 16. My pocket stuffy, they gon' need some manners to me. Niggas always bit the C, the bitches never bit the D. I'm pulling out the facts, so tell your slime relax. And she a catfish, and he a copycat. What the fuck though? Well, if you must know, I see these lookalikes, it's kinda sus though. Yerp. Young nigga from the hood with a plan. 1 foot in the street, 1 foot in the sand, 1 foot in the cleats, 1 foot in the vans, 1 foot in your ass, 1/4 of a zan. Follow my footsteps, I give you instructions. Swallow, don't belch. You just drunk quintuplets on my one of one shit. I keep it 100. Boy, I talk my shit, then wipe my shit with hundreds. You can't stand like me, rich as fuck like me. Little black ass, never hit nigga. Let me shout out India Irie. And ain't none like me. Mr. Dwayne Carter only got one ID. Yerp, I know that's right. You don't know that life. Stay in your own lane or make me bowl that strike. Yerp, everybody wanna be like me. But there's only one I in my EYE. Yeah. Everybody wanna be like me. Ooh. Everybody wanna be like me. Everybody wanna be like me. Ooh. Everybody wanna be like me. Everybody wanna be like me. Everybody wanna be like me. Ooh. Everybody wanna be like me. Everybody wanna be like me. Bust down big chains and dress fancy. Ooh. Radio Sud. Radio Sud. Du bloc, ces gens-là, ils me regardaient mal. Aujourd'hui, ça a pas changé, c'est ces mêmes gens qui rêvent de m'éteindre. Je te raconte pas de baratin, l'histoire d'un petit qui appelle au secours. Au foyer, je suis tout seul, perdu sa mère, y'a plus d'issue de secours. Tu te fais des potes, dès la rentrée, en général, c'est tous des fous. C'est l'aime l'ami, t'es là pourquoi? J'étais gérant, j'alimente les fous. Forcément, il m'a dit, et toi? Mais moi, j'ai fait le sourd. Forcément, il ne comprend pas. Il se dit pourquoi il fait un détour. Le soir, dans ma chambre, j'appelle mon père, papa, je veux rentrer. Maman, moi je suis désolé, si j'avais su, je l'aurais jamais fait. J'étais le premier à crier, nique la prof, au fond de la classe tu perds. C'est là que j'ai découvert toutes sortes de potes. Après que l'année scolaire passe, je retourne au quartier, déterminé. La seule chose que je voulais faire moi, c'était rapper. Je m'en rappellerai, sale fils de putain, tu m'as négligé. J'ai charbonné, sans jamais ramasser, ça j'ai jamais pigé. Il se passe tellement de choses dans ma chambre. T'inquiète pas frère, je me méfie du regard des gens. bien méchant. C'est encore moi, ambitieux et rempli d'ambition. Le marteau a tort, la balle a raison. J'ai fait mon choix, mon micro ou bien ma résine. Frère, cet album je l'écris dans ma chambre. Mais là je te branche, si tu déconnes, l'avertissement c'est celle dans la chambre. Je te dis pas que j'ai grandi dans la jungle. Sa mère la timpe, t'as rien à craindre. J'ai éteint, n'attends pas le succès pour nous rejoindre. Je reviens jamais sur mes pas. Si je t'oublie, tu l'as mérité. Tu vois ces âmes, elles sont véritables. Et les bastos sortent des vérités. Le soir, dans ma chambre, j'y repense et je suis dans ma bulle. C'est moi, phénomène, cette année, si tu suis l'actu. Je trouve que j'abuse, bah attends-tu le rap pour avoir de la thune. Je te baratine, tu es trop bouillant, t'es ma juste la température. On va tout ramasser, à ton père va le dire. Dans le futur, je me vois au Maldives. On se tire dessus, l'opposé ça attire. Wesh, la putain de ta mère, j'ai plus que ça à dire. Wesh, la putain de ta mère, j'ai plus que ça à dire. Il se passe tellement de choses dans ma chambre. T'inquiète pas frère, je me méfie du regard des gens. Premier qui parle apprendra dans la jambe. Trop galéa, il comprend pourquoi je deviens méchant. Il se passe tellement de choses dans ma chambre. T'inquiète pas frère, je me méfie du regard des gens. Premier qui parle apprendra dans la jambe. Trop galéa, il comprend pourquoi je deviens méchant. Radio Sud, Besançon, Besançon, 101.8 FM. Come with me. Radio Sud. Je fuis, une offensive je tue, une gencive de plus. Sur le bitume j'accumule un brouillard bagarre de rue. Je prends le réseau négro, je te laisse que le wifi. Au studio je fais que du sale, au studio tu ne fais que du bruit. Il tue pour prendre nos terres comme j'y bouge ça dans mes IP. J'ai toujours pas navigué, pourtant je connais que des rapides. Dems, dems. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Respire à peine, le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait le dos en photo dans l'appareil. Bientôt, comme moi, comme mon aura fait mouche. Ding dong, blâle-moi quoi. J'marche dans la ville comme une âme en vrac. En attendant qu'il tombe sous le haka. J'observe comme King Kong au-dessus de Manhattan. Voilà déjà une blonde que j'suis fracas. Allongé dans une tombe pleine de vieux tracas. Je viens d'un autre monde, si je ne m'y fais pas. Que cela ne t'étonne, je viens de là-bas. Tout ce ciel louche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Yeah, yeah, yeah. Dans le vide, j'y respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui m'a tourné les deux mains. Photo dans l'appareil, bientôt. Comme moi, comme mon aura fait mouche. Elle m'a fait gagner des femmes à mes pères, celles que j'aimais. Mon jus d'amour, ce monde de village, j'ai battu ma rage, j'ai pas regardé passer. J'ai pas des noms, car mon regrette, j'ai que des mères pour la dinette. À cet âge, de tous mes fils, des victimes me disent, j'aurais pas dû faire. J'suis pas mon ami, c'est zippé, là où personne sait qui j'suis. J'suis d'un mec, j'suis rôti, dans un grand biscuit. J'vois encore et encore, histoire de bien, mais là, c'est le petit homme, le pire, en mode sous les pieds de la robe, j'me brûlais les ailes.